temps passe, plus mes amis deviennent les ennemis que j'ai choisis. Tu veux comprendre et c'est dormir avec une enclume sur la poitrine. Je me souviens près du parking, beaucoup de nuits blanches pour la voisine. Chercher la merde c'était loisir, mais les têtes brûlées se font refroidir. Rendre à César c'est nécessaire, mais j'élimine mes prédécesseurs. Chaque fois qu'ils ouvrent la bouche, j'ai des idées comme un assassin. Je ne rejoins pas le troupeau, je n'ai aucun problème à rester seul. Si t'as un cœur, je le brise, c'est sûr. D'un seul coup, je me lève, ils vont tous s'asseoir. Comprends-moi, j'ai aucune estime pour la bien-pensance et la pitié. Tu crois que tu me connais, je sais pas quitter. S'il s'agit d'hérésie, je suis impliqué. Certains vont finir à six pieds, sans chanson et sans RIP. Entre elle et moi, pas d'amitié, reste à distance comme indiqué. Si je protège ma vie, je néglige la tienne. Me parle pas de conscience, elle existe à peine. Et j'écoute les hommes, j'aimerais qu'ils s'abstiennent. Pourquoi tu crois que je fais le sourd? Chaque jour je maîtrise ma haine. Ils sont pleins de bobards comme ectoplasme. Je crois que je suis maudit comme Exodia. Ta daronne me prend pour un ex-dollar. S'il doit y avoir excuse, gros c'est trop tard. Corps à corps je suis casse-cou comme Knoxville. Sont de mauvaise foi quand ils ingèrent dioxyde. Et je connais bien les relations toxiques. J'arrive comme un tatana dans le coccyx. J'ai comme un mal dans le crâne, il me faut une balle dans le crâne. J'ai comme un mal dans le crâne, il me faut une balle dans le crâne. Puissant quand je frappe dans le sac, je laisse aucune trace dans le sable. J'ai comme un mal dans le crâne, il me faut une balle dans le crâne. J'ai comme un mal dans le crâne, il me faut une balle dans le crâne. J'ai comme un mal dans le crâne, il me faut une balle dans le crâne. Puissant quand je frappe dans le sac, je laisse aucune trace dans le sable. J'ai comme un mal dans le crâne, il me faut une balle dans le crâne. Ils sont sous MK Ultra, dans mon bigot pas de contact. N'est-ce pas trop, protège ton bac, la vie un combat violent comme on bac. On sent le plexus, on se marre pour se sentir exister. C'est quoi quelques secondes sur toute une vie, mais c'est quoi toute une vie sur l'éternité? Demande-moi si j'ai peur de personne, bien sûr que si. Quand je vois ce chacal dans le miroir, souvent je suis sur le fil. Et quand je sors de session, gros j'ai l'impression de fuir le crime. Il est où Django? Aujourd'hui je paye tout avant qu'on me dise le prix.